Il ne me suffit que d'une minute. Il ne me suffit que d'une minute. Il ne me suffit que d'une minute pour dévergonder les coins, c'est l'ambiance en une minute. Chapa, il ne me suffit que d'une minute. Il ne me suffit que d'une minute. Il ne me suffit que d'une minute. Je peux retourner le cerveau des gens ici en une minute. Demande à mes gars. Technique, technique, technique, technique. Viens dans nos pique-nique. Technique, technique, technique. Viens dans nos pique-nique. Technique, technique, technique. Viens dans nos pique-nique. Technique, technique. Picnic. Mon équipe rassemblée, mon équipe au complet. Charge les gobelets, comme ça on est réglé. Le poulet est mariné, le rhum est arrangé. Au bac de la villette, le territoire est marqué. Chaque pas, ce qui se passe, c'est magique. Déséquilibre à la Matrix. True style, c'est la faute à Panoramix. Sem, c'est des garis, arographics. On redevient des gamins quand tu nous déclenches. Diffuteur, c'est mieux, attends sa revanche. Les gombis, qui n'est que ce mélange. De caries, on mange, on est aux anges. Personne ne veut s'en aller, puisqu'on a déballé. On sait se régaler. On ne peut pas être en galère. On me connaît par cœur et donc pour organiser un acteur. Il ne me suffit que d'une minute. Il ne me suffit que d'une minute. Il ne me suffit que d'une minute pour dévergonder les coins, c'est l'ambiance en une minute. Chapa. Il ne me suffit que d'une minute. Il ne me suffit que d'une minute. Il ne me suffit que d'une minute. Je peux retourner le cerveau des gens ici en une minute. Demande à mes gars. Pique-nique, pique-nique, pique-nique, pique-nique. Viens dans nos pique-nique. Pique-nique, pique-nique, pique-nique. Viens dans nos pique-nique. Pique-nique, pique-nique, pique-nique. Viens dans nos pique-nique. Pique-nique. Quand la nuit tombe, tombe, on sait pas s'arrêter, demande à Domi, c'est reparti pour un autre combat. Débarque dans ma baraque, mime et du son, fait nos wine et nos voisins nous aiment pas. J'ai poussé la table, on a sorti les restes, ici tant qu'on fait la fête, on s'en bat. Chapa, cha-cha-pa, en français on dit ne t'inquiète pas. La vie est courte, on peut mettre qu'elle attaque pas. Jusqu'à la mort, on y échappe pas. On va se tuer, ce soir je vous rappe pas. Fais péter le magnum de champagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Débordement de la piste, on chance mine. Démarre en pogo, on se déchaîne, on est comme des chiens, vous êtes comme des chiennes. On n'a jamais censuré les jeux qui deviennent obscènes. Déclare que j'adore ça depuis les hautes scènes. À l'aise au point de se lâcher comme jamais, comme si c'était la dernière fois qu'on se voyait. Attaché à chacun, si un de nous doit partir demain à la tienne, je veux que de ça on se souvienne. Il ne me suffit que d'une minute. Il ne me suffit que d'une minute. Il ne me suffit que d'une minute pour dévergonder les grosses mêlons vers en une minute. Chapa. Il ne me suffit que d'une minute. Il ne me suffit que d'une minute. Il ne me suffit que d'une minute. Je peux retourner le cerveau des gens ici en une minute. Demande avec un pique-nique, pique-nique, pique-nique, pique-nique. Viens dans nos pique-nique, pique-nique, pique-nique, pique-nique. Viens dans nos pique-nique, pique-nique, pique-nique, pique-nique. Viens dans nos pique-nique, pique-nique, pique-nique, pique-nique. 6-7 heures du mat, on est encore là, prêt à foutre le souk, tout le monde est corda. Je sais qui sont mes soldats, verre et bouteille en l'air, ceux qui sont toujours là. On n'attend même plus que ce soit nos anniversaires pour partir en guerre. Car pour nous la vibration de la nuit est devenue alimentaire. Il les a avec la manière où c'est le verset dans la chair. J'oublie mes soucis juste pour une nuit, j'suis bien dans les airs. Chacun va trouver la manière de s'échapper de son enfer. Pour transformer ce quotidien de merde. Il ne me suffit que d'une minute. Il ne me suffit que d'une minute. Il ne me suffit que d'une minute pour dévergonder les coins, semer l'ambiance en une minute. Il ne me suffit que d'une minute. Il ne me suffit que d'une minute. Il ne me suffit que d'une minute. Je peux retourner le cerveau des gens ici en une minute. Demande à mes gars. Pique-nique, pique-nique, pique-nique, pique-nique. Viens dans nos pique-nique. Pique-nique, pique-nique, pique-nique. Viens dans nos pique-nique. Pique-nique, pique-nique, pique-nique. Viens dans nos pique-nique. Pique-nique, pique-nique, pique-nique. On est là, on lâche pas. Jusqu'à la mort, gars. Mon équipe est sérieuse. Chapa. Jusqu'à ce que tout le monde devienne rouge comme chiffon. Jusqu'à ce que Doma parte en Javé. Et que Django Jack soit par terre. Ce qui n'arrive jamais. Il ne me suffit que d'une minute. Il ne me suffit que d'une minute. Il ne me suffit que d'une minute pour dévergonder les coins, semer l'ambiance en une minute. Chapa. Il ne me suffit que d'une minute. Il ne me suffit que d'une minute. Il ne me suffit que d'une minute. Je peux retourner le cerveau des gens ici en une minute. Demande à mes gars.